essence of light. And my shadow has life of its own, watching you while you sleep all alone. Bonsoir à toutes, bienvenue dans le Rock for Show, 106e émission sur Radio Bills. Bonsoir à tous, à tous les Québécois, à tous les Français, à tous les gens du monde international et de l'univers, et surtout à mon cher ami Tom. Caribou. Tu vas bien mon cher Tom? Caribou. Depuis, on peut pas dire depuis, si c'était la semaine dernière. Si c'était, mais ça faisait partie de la semaine dernière. Mais il y a pas très longtemps quoi. Non, hein, c'était il y a 4-5 jours, voilà, à peu près. Ça te fait quoi de me voir si tôt chez toi, dans le studio, là? Qu'est-ce que ça te fait? En condition studio, ça fait bizarre. Hein, c'est bizarre, hein? Bon, allez, tu me diras, on a fait pire, parce que des fois, on enregistrait deux émissions d'affilée quand on a fait des best-of de Noël. Donc ça nous est arrivé. De se voir quasiment tous les jours. Et là, on en prenait plein la gueule parce que, au bout d'un moment, tu es fatigué. Ouais, ça bafouillait de partout. Vous remarquez, même quand on n'est pas fatigué, des fois, on bafouille. Oui, regarde, tiens, tu vois. On fabouille. Ouais. Mais bon, sinon, mon cher Tom, ce soir, une 106e émission qui va tourner autour des nouveautés qu'on a reçues cet été. Alors, on peut pas tout vous passer, bien évidemment, parce qu'on en a reçu des caisses, et on continue à en recevoir. Et on a même signé avec des nouveaux labels. Avec des contrats qui nous rapportent très cher. Ah oui, vachement. Et puis surtout, on a renoué avec d'anciens labels. Alors ça, c'est grâce à des groupes français. Donc ça, on est très content. On vous en parlera tout à l'heure. Donc pour cette émission 100% Zik Nouveauté, eh bien on a commencé avec Alice Cooper. Mon cher Tom, tu connais monsieur Alice Cooper? Yeah. De son vrai nom, Vincent Furnier. Parce qu'il avait une maman ou un papa français. Non, je crois que c'est une maman française. Eh ouais, eh ouais. Donc monsieur Vincent Furnier nous a sorti un tout nouvel album qui se nomme... Paranormal. Paranormal, ouais. Ah, sorti chez Ear Music le 28 juillet dernier. C'est son 27e album studio. Voilà, l'album contient 12 titres plus un CD supplémentaire live avec que des tubes, hein, des tubes de sa première époque, on va dire. Et qu'est-ce qu'on peut vous dire? Oui, alors lui, il considère que les 12 titres de ce CD, c'est un petit peu comme si c'était des épisodes de Twilight Zone. C'est-à-dire que ça raconte une histoire sur chacun des titres. Donc il nous explique ça, et le CD donc live, c'est un CD de 6 titres qui a été enregistré live in Columbus. Alors sachez que sur cet album, on retrouve donc la légende du shock rock, qui est à son apogée moi je trouve, parce qu'il est revenu, il a renoué un petit peu avec ce qu'il faisait il y a quelques années. Et puis surtout il y a une myriade d'invités dessus, parce qu'on retrouve Billy Gibbons à la guitare, enfin sur certains morceaux, hein, sur un morceau je crois à chaque fois. On a des invités. On a le batteur de U2, hein, qui s'appelle comment d'ailleurs, mon cher Tom? Larry Mullen. Exactement. On a également le bassiste de Deep Purple, Roger Glover. Exactement. Nous retrouvons également qui ça d'autre? Bob Herzin à la production, bien évidemment, et des membres de l'original Alice Cooper Band. Et donc il a enregistré 2 titres avec eux complets. Et donc c'est pour vous dire que ça renoue quand même pas mal avec le passé. Et cet album est vraiment moi j'ai beaucoup aimé. Et le titre que je vous ai passé en ouverture qui est le titre Paranormal, le titre de l'album, vraiment moi j'ai vraiment craqué. Sachez que le groupe sera en concert, 3 concerts exceptionnels en France, dont 2 à Paris. Mais le premier qu'il va donner, c'est le 1er décembre à Lyon. C'est à l'amphithéâtre. Exactement. Et ensuite, 2 concerts, dont un complet, celui de la salle Playel. Il est complet. Je pense que c'est pas très compliqué de remplir la salle Playel, non? Non, mais bon, il est archi complet quand même. Ouais. Et je crois que ça contient quand même 2000 personnes, il me semble. Hein. Beaucoup de groupes jouent à l'Olympia, mais commencent d'abord à la salle Playel, remplissent la salle Playel et après jouent à l'Olympia. Ouais, mais je pense que c'est parce que ça doit avoir une super acoustique. Ouais, en tout cas, le 3 décembre, c'est à la salle Playel. Et le 7 décembre, Alice Cooper sera donc à l'Olympia. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Metallica, bien évidemment. Et puisqu'ils sont en concert demain soir et dimanche. Pour demain soir, apparemment, des places ont été remises en vente aujourd'hui. Et pour dimanche, le concert n'étant pas complet, il y a toujours des places à acheter. Bon, les places sont un petit peu chères. Donc on va essayer d'y aller demain. Mais je sais pas trop si on va rentrer ou pas, on verra bien. En tout cas, leur dernier album s'appelle Hardwired to Self-Destruct. Il était sorti le 18 novembre dernier chez Blackened Recordings. Et voilà, c'est tout ce qu'on a à vous dire. Puis c'est très bien. Puis cet album renoue un petit peu aussi avec ce qu'on aime chez Metallica, donc c'est très bien. Sachez que la première partie des concerts de Metallica seront occupés par Verlatac et qu'il y aura certainement un autre groupe dont je n'ai pas le nom. Mais bon, si nos auditeurs veulent nous appeler ou nous envoyer des petits textos au 06 80 01 28 34. Et puis ceux qui sont pas au courant, normalement, j'ai pas vu d'info tournée, mais James est tombé hier soir sur scène. Ouais, il est tombé dans une cage, il y avait un trou béant sur scène, il est tombé, pas peut-être la première, mais presque. Mais apparemment, ce n'est que petite blessure et gros tracas pour pas grand chose. Voilà. Ah, alors, on a reçu quand même, toi, comme quoi, nos amis qui nous écoutent, merci à eux, hein. C'est Christian. Christian qui nous stipule que les sacs à dos sont strictement interdits demain soir pour les concerts, enfin demain et dimanche, pour les concerts de Metallica. Donc voilà, il tient à nous dire, préciser à vos auditeurs que les sacs à dos sont strictement interdits. Alors voilà, le message est passé, merci Chris, merci aussi pour ta fidélité et d'être à l'écoute. Quoi d'autre? Bah oui, si vous voulez nous faire un cadeau et nous offrir une place pour Metallica, contre un pack. Ou autre, ou un pack de bière. Non, je veux pas de plaque de bière, rien à branler de la bière. Si vous voulez nous offrir une place pour aller voir Metallica, vous pouvez le faire. Hein, on est preneur, y a pas de souci. Ou même des trucs à moitié prix et tout ça. On est preneur. Ça sera pour compenser toutes les places et les CD qu'on vous offre tout au long de l'année. D'ailleurs, à ce propos, ce soir, il y aura des places de concert à gagner. On vous dira pour qui tout à l'heure. Et il y aura également deux CD pour ce groupe que vous pouvez soit aller voir en concert, soit écouter sur CD. On va passer à la suite de la programmation cette fois-ci avec des nouveautés. On va commencer avec Arch Enemy, tiré de leur album Will to Power. Et le titre que je vous propose de découvrir, mon cher Tom. The World is Yours. Le monde est à toi, oui. Yes. Sorti chez Century Media le 8 septembre. Donc, c'est-à-dire demain. Eh ouais. Sortira chez Century Media. Ouais, il sortira demain. C'est un groupe suédois, un quintet de death mélodique qui s'est formé en 1995. Bien évidemment, ils ont changé de chanteuse. Ils seront en concert pour la sortie de cet album avec Winterson, Tribulation et également Ginger. C'est un concert qui s'appelle Will to Power Tour. Ouais, c'est ça, c'est pas le concert, c'est carrément la tournée, parce que moi j'ai mis que les dates françaises. C'est 2018, donc ce sera au mois de janvier. Exact. 18 à Lyon, le 22 au Bikini à Toulouse et le 23 au Bataclan à Paris. Et à Lyon, voilà, sera le Transborder. Exactement. On enchaînera ensuite sur Cradle of Filth qui nous revient avec un nouvel album. C'est leur 12e album, il contient 10 titres et l'album s'appelle Cryptoriana, The Seductiveness of Decay. Et le titre que va nous dire Tom se nomme Earthquake and Sense. Exactement. Et ça sort le 22 septembre chez Nuclear Blast, groupe bien sûr anglophone, qui fait du black gothic, qui s'est formé en 1991, bien évidemment. Et ils seront aussi en concert en 2018, ce sera le 19 février, à la Machine du Moulin Rouge avec Moonspell. Voilà. À tarte. Hein, Moonspell à tarte. Moonspell dans ta gueule. Au passage, je dédicace ce truc. C'est pas, ça vient pas de moi. Ouais. Ça vient de Vince. D'accord. Oui, de Moonspell la tarte. Oui, bien sûr, voilà. Évidemment. Je le salue au passage s'il nous écoute. Nous enchaînerons ensuite après Arch Enemy et après Cradle of Filth avec un autre gros brûlot, grosse sortie de la rentrée, puisqu'il s'agit de Satyricon. Satyricon qui va nous régaler avec Deep Calet Upon Deep. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir est le titre éponyme, bien évidemment. Ça sortira le 22 septembre chez Napalm Records. Exactement. Ils nous viennent d'où? J'ai froid. Ah oui, très. Oslo. Oslo, oui, de Norvège. Et ils nous font du black metal. Ils se sont formés en 1990 et ils seront eux aussi en concert. Mon cher Tom, je te laisse annoncer les dates. Ah, ils seront en concert un peu partout en France. Donc Lyon, ce coup-ci, vous n'y allez pas le droit parce qu'ils seront à Paris à la Maroquinerie avec Cecil Angels et Fight the Fight. Ils sont à Nantes, enfin dans la région nantaise, à la MJC de Rezé. Ils seront à Toulouse au Métronome, une très belle salle de concert. Et Montpellier, le Rockstore. En gros, trois superbes salles de concert. Nantes, la MJC de Rezé, bah, ça reste une MJC que je ne connais pas vraiment, mais ça doit être une super salle. Je préfère le faire ailleurs, qui est juste au-dessus. Mais bon, bref, ce n'est que mon avis personnel. Voilà, on n'a pas le droit de donner son avis, c'est ça. Si, ah bah, je n'ai rien dit. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Mais bon. Ça reste un concert joli à voir pour l'ouest de la France. Voilà. T'as donné les groupes qui seront avec eux à la Maroquinerie? Oui, à la Maroquinerie, il y aura Suicidal Angels et Fight the Fight. C'est ce que j'ai dit en premier. Très bien. Non, mais j'avais pas. Tu m'écoutes pas? Non, j'étais avec un auditeur. Oui, j'étais voilà. Avec un auditeur sur SMSMUS 06 81 01 28 34. Et donc, je lui répondais. Voilà. Et juste après, on écoutera Ansirifum. Non, allez, remets les lettres dans l'ordre. Ansirifum. Voilà, je préfère. Parce que Ansirifum, non, hein, à tes souhaits non plus. Hein. Ansirifum, qui sort encore. Comme ça donne une idée de nom, c'est bien. Oui, qui sort un. Oui, mais les auditeurs vont rien retrouver. S'il vous plaît, je voudrais le disque de Hans Frumfrim, Frum, Frum. Et là, tu veux le disquaire, il va dire t'es bourré encore. Ah, les métalleux, ils sont tous bourrés. Bon, buvez avec modération. Hans Frumfrim, voilà. Hans Frumfrim qui sort son nouvel album qui s'appelle Tout Passe. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir, est-ce que tu crois à ça? God is dead. Ouais. Chacun a ses propres croyances. D'accord, moi je dis qu'il est mort depuis très longtemps. Ça sort chez Metal Blade le 15 septembre. C'est le 7e album du groupe, il contient 13 titres. Ils nous viennent de Finlande, là aussi il fait froid. C'est un quintet de folk metal formé en 1995, les Hans Frumfrim. Et ils seront eux aussi en concert. Mon cher Tom. Mais tout le monde est en concert, oui, donc c'est magnifique. Mais allez jouer au loto, hein, d'accord. Il sera en concert à la... T'as même pas marqué le... La machine, c'est marqué. Ah, c'est à la machine. Non, mais je croyais que c'est avec la machine. Non, donc, il sera en concert à la machine le 1er octobre avec Skyclad. Exactement. Ouais, Skyclad. Allez, on laisse tout le monde en musique avec... On recommence. Arch Enemy. On enchaînera avec Cradle of Filth, Satyricon. Et on finit avec Hans Frumfrim. On vous rappelle le numéro de téléphone 06 81 01 28 34. Musique. We'll be right back.

De retour dans le Rock for Show, toujours à l'écoute du 106e show du Rock for Show sur Radio Biz, radioquebec.biz. Alors sachez qu'on vous a mis quand même sur Facebook, puisque la majeure partie d'entre ceux qui nous écoutent ont un Facebook, c'est le Facebook du Rock for Show, et on vous a mis le lien pour aller réécouter toutes les anciennes émissions que Tom se plaît à remettre en ligne toutes les semaines. Merci Tom. Ouais, la dernière je l'ai mis hier soir. Ouais, mais merci Tom quand même. Hein. Mais de rien. Voilà, parce qu'il y a des gens qui nous demandent, qui nous envoient des petits textos. Ouais, quand est-ce que vous mettez la dernière émission? J'étais pas là, j'étais à la piscine. Ouais. Ah ouais, la dernière a été mise tard, a été mise hier soir, la spéciale Fall of Summer, donc vous pouvez retrouver sur le site archive.org. Il et était temps, hein, le Fall of Summer, c'est demain. C'est ce week-end, oui. Voilà. Ah. Et la prochaine sera mise normalement demain. Normalement, elle est mise en ligne le vendredi soir. Mais vu que l'émission a eu lieu samedi, le week-end a été compliqué. Bon, il faut que je m'en remette, mais bon, 4 jours pour s'en remettre, c'est trop bon. Mais c'est pas normal, hein, c'est vrai. Non, c'est pas normal. Flagellez. Alors, pour ceux qui trouvent que ce n'est pas normal et qui veulent flageller Tom, rendez-vous demain. Rendez-vous demain devant Metallica, quoi. Ah, là, y a pas à chier, quoi. On va faire ça. Allez, ce que vous entendez, d'abord, ce que l'on a entendu, c'était Arch Enemy, suivi de Cradle of Filth, Satyricon, et on a terminé avec Ensiferum. Et ce que vous entendez en fond sonore, c'est un excellentissime groupe qui sera en concert le 15 septembre. Et ils sont tellement excellentissimes qu'ils vous offrent des places pour aller les voir. Ça sera la Mécanique Ondulatoire le 15 septembre. Le groupe s'appelle Molly Baron. Franchement, c'est excellent. Ça joue super bien. C'est le premier album du groupe, mais ils ont sorti pas mal de trucs sur Facebook, enfin sur YouTube, vous pouvez aller voir. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un trio français de stoner, il s'est été créé en 2016. Et ils seront donc en concert à la Mécanique Ondulatoire, mais pas tout seuls, ils seront avec Mr. White Noise et The Desperate Sounds. Et on a des places à gagner au 06 81 01 28 34. Et pour ceux qui veulent pas gagner une place, et ben ils peuvent gagner l'album. Hein, donc voilà, ça peut être sympa pour vous. En tout cas, franchement, moi j'ai écouté ça toute l'après-midi sur YouTube et j'ai vraiment adoré. J'ai kiffé ma race. Hein, on peut le dire. Et donc du coup, bah, j'ai décidé de vous en passer. Alors ça passe en fond sonore, bien évidemment, parce que ça a été fait au dernier moment. Je ne savais pas ce que c'était auparavant. Et puis en découvrant ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très très bon. Donc, eh bien, allez les découvrir. Je pense qu'on va y aller avec Tom. Hein. Je pense qu'on va y aller avec Tom à la Mécanique Ondulatoire. Le 15. Donc le 15, ça doit être. C'est quand? Attends. Vendredi. Vendredi pas celui-là, mais l'autre d'après. Juste la veille du Fairtoir Rockin' Fest. Ah oui, parce qu'il y a le Fairtoir. Bah tiens, voilà. Fairtoir Rockin' Fest. Premier du nom. Samedi et dimanche, donc le 16 et le 17, à la Ferté-sous-Jouarre. Et plein de groupes. Plein de groupes. Vous avez fait une émission spéciale que vous pouvez les réécouter justement sur le lien qu'on vous a mis cet après-midi. Et bah, on va rappeler quelques groupes. Hein, puisqu'il y a Asylum Empire, il doit y avoir Manigance. Bah, il y a ADX, je crois. Hein. MF Crew, ADX, bien évidemment. Yann Armenino Oui, c'est possible. Oui. Je sais pas. Il y a Factor 8. Il y a. C'est logique qu'il y ait Factor 8. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu les as d'autres noms à me proposer? Oui. Tu me prends de court. Tank, il y a Tank. Oui, Tank, bien sûr. Ah, évidemment. Misanthrope, Malmort, bien sûr. Digiti, Sorting Digitix. Barracuda, il y a Barracuda. Barracuda, ouais. Witches. Witches. Evilson. Attraction Theory. Ultravolta. Oui, avec l'ancien bassiste d'ADX, Ultravolta. Si vous les avez ratés au PMFF, vous allez pouvoir revoir Dush sur scène avec Ultravolta. Frantic Machine. Oui, excellent. Existence. Excellent. Misanthrope. Enfin, je crois qu'on a tous. Après, le dimanche, c'est des groupes un peu plus rock'n'roll. Ouais, rock. Je retiendrai un groupe que j'ai croisé déjà, The Airplane. C'est un groupe francilien, jeune, autoproduit. Donc à découvrir. En tout cas, vous pouvez aller sur le site du Rock in Fest. Faire toi Rock in Fest. Et puis le prix des places, c'était pas cher, on a vu tout à l'heure. Non, c'est 18 euros le samedi, enfin en cash sur place, 12 euros le dimanche. Le pass de jour est à 25-20, c'est-à-dire 25 sur place, 20 en pré-vente. Et le pass de jour avec le camping, c'est 30-25. Voilà. Très bien. Et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Donc, allez faire découvrir la culture à vos chérubins. On va passer à la suite de la programmation avant de vous parler après, quand on reprendra tout à l'heure, du Rhumfest, puisque le Rhumfest, c'est la semaine prochaine. Prochaine également. Donc là, on va vous repasser encore des nouveautés qu'on a reçues cet été. C'est sorti le 25 août, le groupe dont on va vous parler. Il s'appelle Creamfall. C'est avec une voix féminine, une voix masculine, une dualité donc vocale. Et le nom de l'album s'appelle Amain. Et le titre qu'on va vous passer ce soir s'appelle Ten Winters Apart Part 2. Non, Part 3. C'est le Part 3 qu'on va passer. C'est le Part 3. C'est sorti chez Metal Blade et c'est le troisième album du groupe. Il contient 10 titres. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Ben, ils viennent d'où? D'où, mon cher Tom? Creamfall, ils nous viennent de Finlande, exactement. Voilà. Et c'est un quintet de Black Epic formé en 2007. C'est un duo? Oui, enfin un duo. Non, mais il y a un duo vocal. Hein, c'est ce que je voulais dire. D'accord, ok. Dagoba, je te laisse dire. Dagoba, oh, c'est des Marseillais. Je laisse présenter les Marseillais quand même. Avec leur album Black Nova, le titre qu'on entendra Fire Dies, c'est sorti chez Sanctuary Media. Le 25 août dernier, c'est leur 7ème album. Il contient 10 titres, il y a 2 bonus. C'est du power metal du sud formé en 97. Donc ils ont 20 ans. Voilà, vous avez bien compté. Ils seront en concert à l'Alhambra le 13 décembre prochain. Donc je crois qu'on vous rappellera tous les concerts en fin d'émission parce qu'il y en a beaucoup. Ouais, on verra hein, si on a le temps. Oui, si on a le temps, parce que déjà. Voilà. Ouais. Et juste après ça, on écoutera. Un autre groupe français. Un autre groupe français, je vous le donne en mille. Il commence par A et finit par E. Il y a un Q et un M au milieu. Non, ça commence par A et ça finit par Kmé. Le groupe s'appelle Acme, bien évidemment. Refuser le silence, le titre, l'album éponyme Acme, sorti le. Non, qui sortira le 22 septembre 2017. Donc ils ont un album en cours. Je n'étais pas au courant. Ce sera leur 8ème album. C'est leur 15ème anniversaire. Ils fêtent leurs 15 ans. Donc ça. Et il y aura un concours. Ah, c'est pas un concours. D'accord. Pas maintenant. Le 22 septembre. Parce qu'en même temps, j'ai dit les feuilles de film, donc c'est lui qui a pris les notes. Non, on fera un concours. C'est nous qui ferons. Ah, je croyais que c'était Acme. Non, c'est nous. D'accord. C'est nous qui ferons gagner des albums, on fera gagner des places de concert, on fera. Et il y aura le groupe ou demain, il est possible qu'on ait le groupe en interview aussi, également. Ça, on sait, tout est à voir avec Atom. Sachez qu'il y a un nouvel album de Dreamcatcher aussi qui va sortir, qu'on va recevoir ici dans les studios, notre ami Chris. Et nous recevrons certainement nos amis de Drakkar également. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Ça fait des trucs là, ça fait du. Ouais. Mais tous ces gens sont nos amis et ils sortent des albums, donc on va quand même. Ça sent des émissions, des belles émissions à venir. Je pense. Ça peut être sympa. Donc pour Acme, sachez qu'ils nous viennent de Paris, ils nous font du métal alternatif. Ils se sont formés en 1999 et ils ont deux concerts parisiens, parce que je vous ai pas donné toute la liste des concerts, parce qu'elle est vraiment grande. Je vous donne juste les dates parisiennes. Le 14-10, ce sera à Cergy, à l'Observatoire. Et le 4-11, le 4 novembre, ce sera à Paris, à la Maroquinerie. Voilà. Bon, je crois que c'est tout. On va vous laisser. C'est donc, si vous voulez rafler des places pour aller voir ce que vous entendez en fond sonore, vraiment, je tiens à vous dire que le groupe est vraiment excellentissime. Ça s'appelle. Comment Molly Baron, bien entendu. Et on vous rappelle qu'ils sont le 15 septembre à la Maroquinerie. Mais vous pouvez, si vous ne pouvez pas aller à la Maroquinerie, rafler leur album. Et la Maroquinerie c'est 26 rue Berger, un truc comme ça. Ouais, je sais plus. Hein. Internet, en tout cas, c'est à côté de Ménilmontant. Ouais, hein, c'est vachement belle salle. Voilà, c'est une très belle salle. Et puis en plus, il y a un beau petit resto juste à côté. Allez, on vous laisse en musique avec Creamfall. On enchaînera avec Dagoba et on finit avec Acme Musique. Franchement, c'est dur. Ah oui, c'est dur. Même moi, tu me dis, hein, tu me le demandes à l'oreille, je peux pas. Ouais, parce qu'on n'est pas habitué à l'entendre. Et là, est-ce que vous reconnaissez sa voix, Ah bah non, c'est pas lui. Mais déjà, il faudrait savoir qui c'est lui. Alors, si je vous dis Lenny, non, pas Kravitz, non. Mais non, si je vous dis Lenny, si je vous dis Ricky, si je vous dis Pat, si je vous dis. C'est émouvant, franchement, ça me touche. Ah, mais. Je veux que tu aies l'album. Le titre est encore plus émouvant, c'est Stay With Me. Bon, c'est pas à toi que je dis ça, Tom. Hein. Si tu veux, bah, t'es déjà avec moi tous les jeudis, donc. Et puis, les week-ends aussi, de temps en temps, on se voit pour des concerts aussi, des expos, des trucs comme ça. Hein. On s'était vu. On a été boire un coup aussi. Hein. On a fait tellement de choses ensemble. On va pas trop. Pas trop quand même. Après, vous pouvez en voir des fois un peu sur Facebook pour ceux qui sont sur Facebook. Moi, je n'y suis plus. Hein, c'est vrai. J'y suis toujours, mais je te tague toujours. Mais... Oui, je sais. Je vois. J'ai des notifications, des trucs qui apparaissent. Je vois des choses, mais je ne vais plus voir ce monde-là. J'ai changé de monde. Bon, allez. En tout cas, on a écouté tout à l'heure. Donc, on a commencé avec Crimfall. On a continué avec Dagobah, le nouvel album et le nouveau line-up, bien évidemment, et Acme. Voilà, pareil, nouveau line-up, tout ça. Et ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Drakkar. On vous en a parlé tout à l'heure. Vous allez pouvoir les voir au Faire-toi Rockin' Fest, parce que eux, on les a pas cités tout à l'heure, mon petit homme, dans le Faire-toi Rockin' Fest. C'est vrai. Hein, je sais plus. Ils auront leur nouvel album, donc qui s'appelle Diabolical Empathy. Sorti chez Spinal Records, il sortira seulement le 29 septembre. Hein. Et donc, le titre que vous entendez, c'est Stay With Me. C'est une magnifique balade à l'intérieur de cet album. C'est excellent. Franchement, c'est moi, je. Voilà. Quand je l'ai entendu partir, j'étais là, je plane à 20 Non, mais j'adore le groupe. J'adore ce qu'ils font. J'adore la voix. J'adore. Musicalement, ils font des trucs sur cet album qui sont vraiment. Vous allez pouvoir vous en délecter de cet album. Et c'est un peu une. Enfin, c'est pas un peu. C'est un album concept. Donc, ils viendront nous en parler. Je voudrais pas en parler, déflorer plus. Tout ça, je préférerais leur laisser. J'adore déflorer plus. À eux, de venir nous en parler dans le Rock Forge. Sachez qu'il y aura d'autres concerts avec Drakkar. Ils seront en concert avec ADX d'ailleurs, en Belgique. Donc, ce sera le 29 septembre. On vous en reparlera hein, puisque c'est le 29 septembre. Et puis, il y aura un autre concert le 30 septembre avec Octane, Stanford et The Tel Quel. Et Tel Quel, voilà. On va continuer avec la suite de la programmation, avec des nouveautés, avec des choses qu'on a reçues cet été. On va commencer avec Unisonic. Unisonic, c'est pas vraiment une nouveauté, puisque c'est un live enregistré à Wacken. Mais l'album est sorti le 21 juillet dernier chez ARR Music. Le titre que je vous ai choisi, bah, c'est le titre que je préfère de Unisonic, c'est-à-dire Unisonic. Sauf que là, il est en live, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire, bah, ils sont allemands, ils viennent de Berlin. C'est un quintet de heavy metal qui regroupe en son sein Kai Hansen à la guitare et Monsieur Michael Kiske, qui sont tous les deux d'ex Halloween. Monsieur Michael Kiske à la voix, plus d'autres musiciens qui les accompagnent et qui sont aussi des pointures. Le groupe s'est formé en 2009, vous avez pu les voir au Hellfest, vous avez pu les voir un peu partout. Voilà. On enchaînera encore avec un autre groupe allemand qui s'appelle The Apocalyptician Reiter, les guerriers de l'Apocalypse. Avec, alors là je vais le dire hein, parce que Tom, je pense pas qu'il puisse. Je suis pas là. Voilà. Die Freiheit ist. East, ouais, c'est ça. Die Freiheit ist eine Pflicht. Alors je sais pas ce que c'est exactement, ce que ça veut dire. J'aurais dû regarder la signification, je ne l'ai pas fait. Enfin, c'est pas grave. Et l'album s'appelle Der Rote Reiter. Donc ça, je sais ce que ça veut dire. J'ai vraiment élevé devant. C'est le cavalier, c'est le cavalier rouge. Roteux, hein, ou rose, non mais c'est rouge. Tu dis que j'allais pas y arriver, mais j'ai fait allemand LV2. Bon bah vas-y alors. Non mais c'est bon, vas-y. Freiheit ist eine Pflicht. Ça, j'ai fait hein, bah alors vas-y, fais-nous la traduque, essaye de trouver. Ça sort chez Nuclear Blast, c'est sorti le 25 août dernier. C'est le 10e album studio du groupe, il contient 10 titres. Et c'est un quintet de folk death metal qui s'est formé en 1995. Nous continuerons avec un groupe français et on prendra l'autoroute, les Highway. On prendra le Highway. Tu prends l'autobahn, non ? Non, le Highway. Oui, l'autobahn en allemand, exactement. Mais là, c'est le Highway en français, mais en anglais. Allez chercher. C'est le 4e album du groupe qui s'appelle 4, tout simplement. Et pourquoi s'embêter, hein, c'est vrai. Et le titre que je vous propose de découvrir s'appelle Damned Me, sorti chez Highway Corp, donc c'est une autoproduction qui sortira le 29 9 septembre. Et ils nous viennent de Montpellier. C'est un quartet de hard rock. On vous en a déjà passé, hein, parce que nous, on avait vraiment bien craqué sur ce qu'ils avaient fait auparavant. Fondé en 1999, c'est le quatrième album du groupe. Il contient 12 titres, beaucoup plus rock hein, que ce qu'ils avaient sorti auparavant. Oui, mon cher. Je l'ai. Alors, Die Freiheit ist eine Pflicht. C'est l'inverse de Hitler. C'est la liberté est un devoir. La liberté est un devoir. Bon, ben bah, voilà. Vous avez appris un peu d'allemand hein, en écoutant les Rockford Show. Die Freiheit ist eine Pflicht. Compris ? Hein ? Compris ? C'est donc, c'est donc le groupe allemand qui s'appelle Die Apokalyptischen Reiter. Jawohl. Et le titre de l'album, on vous le répète, c'est Der Rote Reiter. Voilà. Et on va vous laisser en musique. Donc, tu fais ton belge, toi. Ouais, c'est un belge allemand, un allemand belge, ouais. Et donc, c'est un peu le Papa Schulz, si tu veux, si tu préfères, c'est les Papa Schulz. Et Nissonic dit Apocalyptic Rider et après, Highway. Live in Haken. Allez, c'est parti, musique. Everything we do comes down to rock and roll. sollen sie lenken alle Zeit, erhoben aus Schwäche, Angst und Kleinheit. Vous écoutez le Rock for Show, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Biz. C'est un peu gore ton truc. Ouais, c'est Valenfire que vous entendez en fond sonore. Mais avant ça, vous avez écouté Unisonic, The Apocalyptic Writer et le fabuleux groupe français Highway. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez nous contacter hein, sur Facebook. On vient de vous mettre une petite photo avec quelques CD qu'on vous passe ce soir. Tu t'es mis en photo sur Facebook. Ouais, c'est toi qui l'aimes. Avec ton portable. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais on en prendra une tous les deux. Un jour, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, tu veux non, pas non, non, t'as une sale gueule aujourd'hui. Hein. C'est vrai que. C'est ça. Ah, c'est vrai que t'as une sale gueule aujourd'hui. Ça va pas du tout, ça. Hein c'est... on va dire. Indirectement, on va dire ça. J'ai une sale gueule déjà de base, mais là, elle est pas rangée. C'est une gueule de bois, il a encore picolé toute la nuit. Qu'est-ce que t'as fait tes nuits, là? Dis-nous, raconte-nous la vie cachée Tom. Je travaille la nuit. La vie de Tom Rock. J'ai fait un boulot de nuit. Ouais, donc, on sait que tu pétris quand même, hein, pas mal la nuit. Ouais, voilà, on va dire ça. Après, t'es pas obligé de rentrer dans les détails. Bah, t'es quand même dans le pétrin, quoi. Ouais, comme toi aussi, tous les jours, on est tous dans le pétrin. Je suis dans le train. On est tous fourrés dans le même pétrin, on va dire. Allez, c'est que vous entendez donc en fond sonore, le groupe s'appelle Valenfire et surtout, mon cher Tom, ils sont en concert. Yes! Si on savait. Ah oui, mais non, tu l'as peut-être pas. Tu l'as peut-être pas. Non, justement, c'est pour ça. Si, attends, à Paris, la Boule Noire, 120 l'as. Boulevard Roche au soir, le 13 septembre. C'est-à-dire la semaine prochaine, lundi. C'est ça lundi. C'est ça, ouais. Mercredi. Mercredi excusez-moi, mercredi. Le 13, oui, le 13. Mercredi 13 septembre à la Boule Noire. Bon, voilà, c'est un groupe anglais qui nous fait du Doom Death Metal. Ils se sont formés en 2010. L'album est sorti en juin. Chez Century Media et l'album s'appelle Fear Those Who Fear Him. Voilà, on vous a tout dit sur Valenfire. On va vous parler un petit peu du Pyrenean Festival, mon cher Tom. Festival qui se déroule à Toreil et ce sera la semaine. Ben non, c'est là, c'est ce week-end. C'est ce week-end. Qu'est-ce que tu racontes? Mais oui, c'est ce week-end. Bah, il me semble. T'es pas à jour. Oui, c'est ce week-end. C'est ce week-end. Et c'est donc samedi. Et il y aura une dizaine de groupes. Dont Metal Lucifer. Une dizaine de groupes? Ouais, je crois, à peu près. Bah, moi, j'en ai pas 10 sur la fiche, mais. T'en as combien? Il y a Metal Lucifer, il y a Titan, il y a Hurlement, il y a Jaguar. Groupes. 9 groupes, exactement. Ah, il y a 9 groupes. Il y a Jaguar, qu'est-ce que j'ai oublié? Trans. Stallion. Oui, Stallion. Ranger. Terminus. Voilà. Terminus. Et Herzl. Herzl, voilà, je les avais oubliés, bah maintenant on les a cités. Tous. Hein. Donc allez voir. Un groupe japonais, un groupe allemand, ouais, enfin deux groupes allemands, trois groupes français, un groupe irlandais et un groupe anglais Jaguar pour ne citer que. Ouais. Non mais allez les voir ces groupes parce que ce sont des reformations pour la plupart. Et puis c'est un super lieu, c'est un super festival et tous les aficionados metal, true metal, vous pourrez les retrouver là-bas si vous n'allez pas au Fall of Summer. Non, le Fall of Summer, si c'est ça. Si vous n'allez pas au Fall of Summer et si vous n'allez pas au Ramfest, ou sinon vous faites les deux en même temps, vous faites Fall of Summer, Ramfest, Fall of Summer. Je sais que Alexis de Hurlement fait Fall of Summer, puisqu'il joue dans le tribute à Sortilège le vendredi et il fera le Pyrenean Warrior Open Air. Oui, bon, après il est entre guillemets défrayé pour. Oui, mais bon. Donc alors, c'est son. On va parler maintenant un petit peu du Rumfest. Rumfest cette année avec UFO en tête d'affiche. Et puis, qu'est-ce qu'il y en a d'autre encore? Tu peux nous en parler un petit peu? Ah, je pensais que tu voulais parler du Fall of Summer, mais si tu veux. Ah, c'est le Fall of Summer, tu préfères qu'on parle du Fall of Summer? On a fait l'émission spéciale la semaine dernière. Oui, j'étais dessus, maintenant je suis sur Rumfest. Hein, allez, Rumfest, mais, allez. UFO, DAD, Tiger of Pantan, Vandales Place, Dead Lord. Vandenplace, oui. Dead Lord, Vold Spirit, Band of Gypsy, Yann Armenimo et El Butcho, que l'on connaît. Oui, finalement. Emmerich Silver, Abigail. On a déjà parlé d'Abigail ensemble ou pas? Oui, on en a parlé dans la spéciale émission Ramfest que l'on a fait au mois de juillet et qu'on a rediffusé au mois d'août. Je pensais qu'on avait parlé autrement, mais c'est pas grave. Black River Sun, Night X, Evsan, Full Paradise et le dernier, Jester Smoke Bread. Ok, bah, si vous n'avez pas compris, vous allez voir directement sur l'affiche du Ramfest. Ramfest.fr. Voilà. Et ça se trouve à Rem dans le Nord. Enfin, non, maintenant, comment on appelle ça? Dans l'Hainaut. Non, mais maintenant, on appelle ça comment? Les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, ouais c'est ça. Hein. Mais c'est dans l'Hainaut. Ça fait toujours partie de l'Hainaut quand même. D'accord. Donc, allez voir. Nous ne pourrons pas y être cette année puisque nous avons d'autres obligations. Nous sommes sur aucun festival. Du moins samedi, hein, puisque pour tout vous dire, je suis de mariage. On en est où dans la programmation? Eh bien, on va continuer dans les nouveautés. Les nouveautés avec un groupe que l'on adore ici dans le Rock Fork Show, que vous avez pu voir au dernier Paris Metal France Festival. Le groupe s'appelle Lone Wolf. Ils nous viennent de Grenoble. Et l'album s'appelle Raised on Metal. Le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Frog Fire, Ice and Blood. Tout un programme. L'album sortira le 22 septembre chez Massacre Records. Alors, beaucoup de groupes français maintenant sortent chez Massacre Records. On vous en reparlera d'un deuxième tout à l'heure dans une autre partie de l'émission. Voilà, donc très bonne société, très bonne maison de disques, on va dire. Pour Lone Wolf, c'est le 9e album. Il contient 10 titres plus de bonus. Et ils nous font du heavy speed, bien évidemment. Ils se sont formés en 1992. Oui, monsieur. Et nous continuerons ensuite, mon cher Tom, avec One Life All In. Je découvrais le groupe, hein, je ne le connais absolument pas. L'album s'appelle The A7 Session. The A7 Session, exactement. Et le titre que je vous propose de découvrir, bah, je vais te laisser le dire, tiens, puisque c'est ça. Beat the Daylight Out of Me. Attends, tu m'as dit quoi ? Beat the Daylight Out of Me. C'est bien. Je préfère. Parce que Outa, ça t'a. Outa. Merci, puis la vie sort de ce corps. C'est ça, ça, ouais. Ça sort chez Rust and Blood Records le 14 septembre. Jeudi prochain, exactement. On sera ensemble, on pourra en reparler peut-être. Ouais, je crois. C'est le premier EP, hippie. C'est le premier EP. Hein, il fait 6 titres plus une intro, donc 7 titres, on va dire. C'est un quartet de hard rock, de hardcore, n'importe quoi. Un quartet de hardcore qui s'est formé en 2016. C'est pas mal du tout, vous allez voir, vous allez pouvoir découvrir un petit peu ce groupe. Ça s'appelle One Life All In. Et moi, j'ai bien accroché. Voilà, sorti chez Do It, hein, pour la promotion. Et nous enchaînerons avec un autre groupe français, je crois, hein, qui s'appelle Smokehead. Qui nous viennent du sud. Oui, puisqu'ils nous viennent de Marseille. Marseille. Non, c'est Cannes. Oui, Cannes. Voilà, entre les deux. Ouais, c'est à côté, c'est Cannes. C'est leur premier album, il contient 14 titres. Ça sort chez Eli Promotion le 9, enfin au mois de septembre, on ne sait plus quand, quelle date exactement. Ça se trouve, il est déjà sorti. On n'a pas la date exacte, il est déjà disponible depuis le mois d'avril sur les plateformes digitales. L'album s'appelle From the Abyss, c'est le titre que je vous propose de découvrir ce soir. S'appelle The Dagota Fire Hall. Exactement. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire sur ce groupe? C'est du hard rock américain, un peu métalleux, voilà, donc ça a l'air sympa. Après, c'est bien produit, C'est attrayant. Le truc, façon de parler, hein, c'est pour eux, c'est constructif. Hein. C'est que la pochette est noire, l'ensemble est noir, mais quand on a photo sur la page de... sur les taux, ce qu'on reçoit de nous, médias, oui. Ça fait un peu de jet setter. Voilà. Ah oui, ils ont des couleurs... très vives. Ça fait pas métal. Donc ça ressemble, on va vous dire que ça ressemble à The Poodles. Non, c'est pas vrai du tout. Allez, on vous laisse donc, on va vous rappeler avec quoi on va vous laisser. On vous rappelle le numéro de téléphone exact et également. 06 81 01 28 34. Et on vous laisse avec Lone Wolf, on vous laisse avec One Life All In. Et avec Smokehead. Mais avant ça, vous pouvez donc nous envoyer des petits textos si vous voulez rafler des places pour le Fertois Rock In Fest, pour le REM Fest et pour le concert de Molly Baron dont on vous a parlé tout à l'heure du 15 septembre. Musique, mon cher Tom. Et les 21h01. Super. life is rough, it seems like a dream. The happiness, it's like a ring. Bound by illusion, we struggle today, chasing dreams as they wither away. I know what's gone. de retour dans les studios pour ce qui s'annonce comme étant la dernière partie de l'émission du Rock for Show tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30 pour la France et pour le Québec. C'est 13h30, 15h30, voilà. Donc ce que l'on a entendu jusqu'à présent et qui était pas mal du tout, hein, donc Lone Wolf, One Life All In, je trouvais que ça chantait un petit peu faux quand même, hein. Et puis par contre là, Smokehead, comme on disait avec Tom, ça ressemble un petit peu, ça a une consonance un petit peu Nickelbackienne, et ma foi c'est sympa, hein. Ouais, ouais, c'est cool, avoir à progresser, à avoir l'avenir de ce, voilà, de ces jeunes groupes. Et ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Ataraxy, ils sont en concert, mon cher Tom. Oui. Alors je crois que tu n'as rien en plus là-dessus. Exact. Hein, donc c'est du Doom Death, ils nous viennent de Rouen et ils seront en concert avec Abyssic, Cérémonia, ça sera à Paris au club, 14 rue Saint-Denis, et c'est quand c'est c'est le 15 septembre, excusez-moi, c'est vendredi 15 septembre, voilà, Ataraxy. Nous allons continuer avec du français. Ont sorti, on peut dire qu'ils ont sorti l'année dernière leur album pour fêter leurs 10 ans, voilà. Merci. Ils ont fait une réédition. Très bien. Nous allons continuer avec la France, avec Galderia qui nous sort chez Massacre Records. Donc, on vous en a parlé tout à l'heure pour Lone Wolf. Et ils sortiront également, il me semble, l'album de Asylum Empire, le prochain. Donc, cet album est sorti le 21 juillet, l'album de Galderia. Il s'appelle Return of the Cosmic Man. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Up in the Air. Et vous allez voir, il y a un super refrain. Et une fois que vous l'avez écouté, vous ne pouvez plus vous en détacher. C'est le deuxième album du groupe. Il contient 10 titres. C'est un quintet de power mélodique formé en 2006. Ils nous viennent de Marseille. Je ne sais pas si c'est eux, la sardine, mais il me semble quand même. Nous enchaînerons ensuite avec Carousel Vertigo, autre groupe français de la région parisienne, qui vient de nous sortir également un nouvel album qui s'appelle Revenge of Rock'n'Roll. Et franchement, c'est vraiment la revanche du rock'n'roll quand on écoute cet album. Il contient 10 titres, il sortira le 29 septembre. Le morceau que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle No More Hesitating. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Bah, c'est du hard rock. Ils se sont formés en 2009 et ils nous viennent de Paris. Nous continuerons avec Moonlight Desires, et ça, c'est canadien. Donc, on passe un grand bonjour à tous nos amis du Canada, du Québec, et à John Asher qui nous a envoyé cet album qui s'appelle Just the Hits 1981-1985 et qui, en fait, est une sorte de melting pot de cover de groupes qui ne sont pas du tout métal, mais eux ils en ont fait des reprises métal. Donc là nous allons entendre Sunglasses at Night, qui est une cover de Corey Hart. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ils nous viennent de Hamilton dans l'Ontario, et c'est pour les fans de tout ce qui est pop musique des années 80, de la pop musique qui se dirige vers le métal. Donc c'est du heavy rock, voilà, c'est du heavy rock tout simplement. On vous laisse en musique et on vous retrouve tout de suite après pour vous dire au revoir les amis. Donc maintenant, musique, c'est parti. de retour dans les studios pour la fin de cette émission avec Moonlight Desire que vous venez de finir d'entendre. Et nous allons, je voulais absolument vous parler du dernier groupe qui s'appelle Gizmodrome, tout simplement parce que c'est un super groupe, vraiment excellent, sorti chez ERR Music le 15 septembre prochain. C'est un projet de 4 musiciens qui chacun excelle dans leur art. Et c'est un groupe un peu barré quoi quand même. Hein. Dedans on retrouve Monsieur Stewart Copeland de Police, on retrouve Mark King de Level 42, Adrian Bilou de ex King Crimson, David Bowie, Frank Zappa, Talking Heads et on retrouve également un gars qui s'appelle Vittorio Cosma qui a joué avec les légendes du prog italien. Et franchement, c'est vraiment très très bon. Alors, c'est pas métal hein, tel qu'on l'entend, mais c'est tellement bien joué, tellement bien barré que j'avais vraiment envie de vous faire découvrir ça. Et puis, guitaristiquement parlant, c'est vraiment excellent. Voilà, on va se quitter donc sur Gizmodrome. Je crois que le groupe est en concert en plus prochainement, ou il a été en concert récemment. En tout cas, regardez les dates On en reparlera, je pense. Oui ou pas. Parce que s'il est en concert, je crois que ça doit être la semaine prochaine. Hein, donc allez les voir, Gizmodrome, c'est vraiment excellent. Ou alors ce sera plus tard, je sais plus. Enfin bref, on verra ça. On se retrouve la semaine prochaine, je ne sais pas encore avec quel groupe, avec quelle thématique pour l'instant, puisqu'on a pas mal de choses sur le feu. Mais en tout cas, on se retrouve à 19h30 la semaine prochaine, jeudi 14 septembre. Voilà, et on vous laisse, c'était Rock. C'était fort. C'était chaud, c'était le Rock for Show. 06 80 01 28 34 pour vos SMS et on se retrouve la semaine prochaine, le podcast sur le site archive.org. Voilà, et on vous laisse avec Gizmodrome. Bye bye. Wake up a little Susie, take up a little doozy. Shake up a little groovy, make up a little boozy. There's just no way to be cool when the crocs are in the pool. You could just say goodbye to it all, 'cause the zombies are in the mall. The day was long, but now it's night. Everything wrong is exactly right. Wake up a little Susie, take up a little doozy. Shake up a little groovy, make up a little boozy. You might have to hang up that call, because the zombies are coming up the hall. Hey, what are you gonna do but laugh when the sharks are under the raft? You might wanna cover up that suit, because the snakes are in the soup. Every day start to wonder, every day there's another. Wash away in September, not okay to remember. Don't need to get fussy, head up a new posse. Head up from all betcha, is it wrong, you betcha? Just no way to be cool when the crocs are in the pool. You can just say goodbye to it all, 'cause the zombies are in the mall. You can just say goodbye to it all, 'cause the zombies are in the mall. You can just say goodbye to it all, 'cause the zombies are in the mall. The day was long, but now it's night. Everything wrong is exactly right. Shake up a little groovy, make up a little boozy. You might have to hang up that call, 'cause the zombies are coming up the hall. You know when the water rises, those gators are gonna get into the pool. And when the lights go out, you know the raccoons are gonna break every rule. And the damn rats, of course, are just shitting everywhere. And the scorpions are climbing up the pipes, but I don't mind. Take your time, got no dime, here's mine. Thank you.